Dans Parole d'expert, Fabien Noirot, directeur du développement Grand Compte et ESS chez Harmonie Mutuelle, nous parle de l'absentéisme en entreprise. L'absentéisme touche 50% des salariés. Chez Harmonie Mutuelle, nous aidons les entreprises à trouver des solutions pour limiter l'absentéisme. Nous proposons aussi une couverture prévoyance complète et sur mesure pour éviter ou limiter la perte de revenus des salariés. Enfin, la garantie prévoyance s'opère dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Cette année, le philosophe Emmanuel Kant aurait eu 300 ans. Nous fêtons cela cette semaine en partenariat avec Philosophie Magazine. Essayons d'approcher cette œuvre philosophique majeure avec le plus de clarté possible. Premier épisode, qu'appelle-t-on le geste critique de Kant ? On souligne souvent à propos d'Emmanuel Kant que de toute sa vie, il ne s'est jamais déplacé au-delà d'un rayon de 60 km autour de Königsberg, ville de Prusse où il est né en 1724 et où il est mort en 1804. Longue vie, très disciplinée, studieuse, sans mariage ni amour connu. On raconte même que les voisins de Kant réglaient leurs horloges en fonction de sa promenade de fin d'après-midi, rituel imperturbable. On exagère sans doute. Kant n'était pas sans amis qu'il voyait et avec lesquels il passait même quelques soirées, et Kant n'était pas sans émotions, notamment dans le domaine intellectuel et politique. Il aurait même décalé l'heure de sa promenade, le jour où il a découvert le contrat social de Rousseau en 1762, et aussi en 1789 pour aller acheter le journal, peut-être une édition spéciale, suite à l'annonce de la Révolution française. Cela peut prêter à sourire et renforcer encore la vision monacale du personnage. En réalité, ces deux émotions sont loin d'être anecdotiques pour comprendre les engagements de ce philosophe. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Kant a publié son œuvre tard dans sa vie, à près de 60 ans, ce qui là encore donne à penser. On ne révolutionne pas la philosophie sans y avoir longuement réfléchi et sans avoir longtemps étudié. Et le geste que Kant a établi au cœur de sa démarche, c'est la critique. Il reste à savoir ce qu'il entendait par là. Bonjour Michael Fessel. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'École Polytechnique, spécialiste de Kant, sur lequel vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont précisés sur notre site et auxquels je ferai référence au cours de notre échange ce matin. Bonjour Laura Tavernier. Bonjour. Vous êtes agrégée de philosophie en train de réaliser une thèse de doctorat sur Emmanuel Kant intitulée « Kant et le problème du donné ». Et bonjour Martin Legros. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine qui vient de sortir un hors-série magnifique pour cet anniversaire, 300 ans, consacré à Kant, avec beaucoup d'intervenants dont certains se retrouvent dans notre série à nous de cette semaine, mais quand même le bonheur d'avoir un partenaire comme vous l'êtes pour notre émission cette semaine, c'est aussi de converger sans forcément se ressembler tout à fait. J'enseigne dans une banlieue dite ouvrière. Et pourtant, mes élèves n'appartiennent pas à la classe intellectuelle. Eh bien, je prétends que la philo les intéresse et parfois même les passionne. Tous ? Un nombre amplement suffisant. Plus j'en suis sûre qu'en lettres ou en histoire. Moi, j'aborde, disons, la vraie philo de front. Et comme ils connaissent pas, ça les intrigue. La vraie philo, tu veux dire la métaphysique ? Pas exactement. Parce que là encore, sur, entre guillemets, les grandes questions, Dieu, l'univers, la liberté, ils ont leurs réponses. Naïve, mes réponses tout de même. Non, je dirais plutôt la philosophie transcendantale. Transcendantale ? Oui, Kant. Tu leur fais lire Kant ? Non, je fais pas forcément référence aux auteurs, du moins au début. J'essaye de susciter une réflexion portant sur la pensée en tant que telle, le pur acte de penser. Enfin, j'emploie le mot transcendantal au sens large. Qui comprend aussi le sens husserlien ? Oui, bien sûr. Et d'après toi ? Quoi ? Transcendantal, ça veut dire quoi ? Ben, ce qu'elle dit, une philo qui se place au plus haut sommet, qui dépasse tous les points de vue, les transcende. Ce n'est pas du tout ça. Tu confonds transcendantal et transcendant comme 99% des gens. Dans ce cas, ça n'a rien de déshonorant. Ça m'a pas empêché d'avoir 16 au bac, je sais. Je ne les ai pas eues, j'en ai eu que 12. Mais ne sois pas vexée, je voulais simplement montrer à Jeanne que ce n'est pas tout à fait ça qu'on apprend en classe de philo généralement. Je suis pas vexée, je vais chercher le plat. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Mais elle est imbuvable, cette Jeanne, prof de philo, jeune prof, et sa copine Natacha n'a pas l'air d'être tellement plus sympathique. Ce sont deux héroïnes du film d'Éric Rohmer, Contes de printemps, réalisé en 1990. Elle se la raconte beaucoup, là, autour de Kant, sans le citer, en disant qu'elle s'occupe de philosophie transcendantale. Je vous propose, chers invités, d'en faire un anti-modèle. Essayons peut-être de parler simplement, modestement, d'expliquer Kant. Est-ce que ça vous paraît possible, Michael Fessel, de parler simplement de cette œuvre, sans se la jouer autant? En tout cas, en se la jouant un peu moins peut-être que dans ce que l'on a entendu. La philosophie de Kant, elle a une vocation universelle et donc par conséquent, il est en droit possible de l'expliciter, de la clarifier avec des termes qui ne soient pas forcément techniques, même s'il faut reconnaître que Kant a lui-même, inventant une méthode, on va certainement y revenir, en l'occurrence justement la méthode transcendantale, il a employé des termes d'une certaine technicité. Ce n'est pas un philosophe qui était favorable à ce qu'il appelait lui-même la philosophie populaire, c'est-à-dire la traduction forcément, dans, non seulement dans des termes, ça encore c'est faisable, mais dans des représentations courantes de ce qu'il a essayé de faire. Cela étant, nous sommes tout de même aidés par le fait que, à côté des grandes œuvres techniques de Kant, fondatrices, et au premier rang desquelles la critique de la raison pure, il a presque toujours publié des ouvrages qui suivaient ses œuvres, qui étaient la version, je dirais en tout cas, accessible de sa pensée. Donc toute la difficulté, c'est d'essayer de comprendre une œuvre qui a une vocation, je le répète, à l'universalité, donc à une compréhension, je dirais, non pas forcément populaire, mais en tous les cas démocratique, mais sans pour autant trahir la terminologie, la précision aussi, et le caractère surtout systématique de sa pensée. Kant est un philosophe qui insiste à la fois sur la finitude de l'esprit humain, sur les limites de la connaissance, mais qui veut le faire du point de vue d'un système qui est censé être exhaustif sur notre univers de pensée. Et ben merci pour ces enjeux que vous définissez, qui sont donc ceux de notre série et de cette émission, premier épisode ce matin. Laura Tavernier, sur le caractère accessible de l'œuvre kantienne, qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Alors, je pense que Michael Fessel a déjà bien précisé les choses. On peut peut-être ajouter que Kant utilise un lexique conceptuel très précis, mais qui en réalité n'est pas si difficile une fois qu'on comprend le sens des définitions. Il y a un caractère systématique, donc si on s'emploie méthodiquement à comprendre Kant peu à peu et son lexique conceptuel, en fait, la difficulté s'évanouit peu à peu. Donc c'est bien parce que transcendantal, tout à l'heure, on va le définir, oui, pour éviter de se la jouer. Martin Legros, ça suscite en vous quelle réaction cet extrait de film et ce que viennent de dire nos autres invités? Oui, en fait, je trouve que il faut pas renoncer à la difficulté de Kant, à l'aspect technique, mais je dirais même qu'il peut y avoir quelque chose de très ludique. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, en effet, c'est une sorte de montagne Kant qui forge son propre vocabulaire, mais une fois qu'on a comprise vocabulaire, ce qui est fascinant, c'est comme c'est un penseur qui se donne pour objectif d'expliciter notre expérience commune de la morale, du savoir, de la politique. En réalité, ces catégories-là, c'est un peu comme le bourgeois de Molière qui fait de la prose sans le savoir. En réalité, nous sommes habités par le transcendantal au quotidien, et c'est pas difficile de le comprendre. Les élèves aujourd'hui, ils savent très bien que s'ils sont en Occident, ils sont habités par certaines catégories, par certaines manières de voir l'histoire, par un certain égalitarisme. Eh bien ça, c'est une catégorie qui préforme l'expérience. C'est ce que Kant appelle le transcendantal. Eh bien, merci pour cette entrée en matière. Je vais ajouter à cela, eh bien, un propos du philosophe du XXe siècle, Gilles Deleuze. Alors, Kant, c'était pas forcément la tasse de thé de Gilles Deleuze, mais Deleuze avait des talents pédagogiques, une façon d'emmener son auditoire, et on l'entend particulièrement dans l'abécédaire, son abécédaire produit par Pierre-André Boutan, et lorsqu'il arrive à la lettre K, évidemment, K comme Kant. Avant Kant, au XVIIIe siècle, précédant Kant, il y a un type de philosophe nouveau qui se présente comme l'enquêteur. Enquête. Enquête sur l'entendement humain. Enquête sur ceci, enquête sur cela. Le philosophe se vit un peu comme un enquêteur. Avant encore, encore au XVIIe siècle, par exemple, Leibniz est sans doute le dernier représentant de cette tendance, il se vit comme un avocat. Il défend une cause. Et le plus beau, c'est que Leibniz se prétend l'avocat de Dieu. Donc il faut croire que Dieu a des, qu'il y a des choses à lui reprocher à l'époque. Et il écrit un merveilleux opuscule sur la cause de Dieu, qui ne veut pas dire que Dieu est une cause au sens de, mais la cause juridique de Dieu, la cause de Dieu défendue, etc. Hein? Donc, c'est comme un enchaînement de personnages, l'avocat, l'enquêteur, et chez Kant, l'arrivée d'un tribunal. Le tribunal de la raison. Les choses sont jugées en fonction d'un tribunal de la raison. Et les facultés au sens de l'entendement, l'imagination, la connaissance, la morale, sont mesurées en fonction d'un tribunal de la raison, bien sûr qui se sert d'une certaine méthode que Kant invente, qui est une méthode prodigieuse et qu'on appellera la méthode critique. Alors dans ce propos, Gilles Deleuze évoque d'abord la figure du philosophe enquêteur et il faut préciser notamment que l'enquête sur l'entendement humain a été écrite par David Hume en 1748, donc au siècle de Kant. Je précise aussi à nos auditeurs que nous avons fait une série entière sur David Hume ici en septembre 2023. À propos des philosophes avocats, il évoque Leibniz, ça c'est le siècle d'avant, le 17e. Peut-être peut-on ajouter Descartes et Spinoza dans ce modèle. Je vais le demander à mes invités. En tout cas, c'est le siècle d'avant. Et donc, Deleuze prétend qu'une troisième figure de philosophe s'invente avec Kant, le juge, peut-être en tout cas l'idée d'une raison tribunal. Je voudrais savoir, Michael Fessel, si cette caractérisation vous intéresse, vous satisfait. Ben, elle est en tout cas expressive, parce que précisément Kant, c'est quelqu'un qui a voulu dépasser à la fois Leibniz, l'avocat de Dieu, en montrant que, en réalité, si on se faisait ou se prétendait être l'avocat de Dieu, il le fallait être du point de vue de Dieu, c'est ce qui est impossible, de se placer du point de vue de Dieu pour lui, c'est-à-dire du point de vue, pour Kant c'est impossible, c'est-à-dire du point de vue d'une connaissance absolue. Et effectivement, il a aussi voulu répondre à l'empirisme de Hume, à l'enquêteur, qui, plus modeste sans doute que l'avocat, prétend dénicher en quelque sorte un certain nombre des causes de nos erreurs. Alors il a voulu effectivement, si l'on peut dire, être le juge, ou plutôt inventer une instance depuis laquelle on puisse alors juger la raison, cette formule tribunal de la raison, qui est une formule de Kant. Il faut l'entendre aux deux sens du génitif. C'est à la fois la raison qui est jugée. Elle est jugée, donc elle est au fond au tribunal elle-même, elle est jugée parce que la raison métaphysique prétend, aux yeux de Kant, dépasser les limites de la connaissance, porter un savoir sur l'absolu, sur Dieu par exemple, savoir que Kant va déclarer au fond invalide. Donc tribunal de la raison, c'est d'abord la raison dans ses excès, en quelque sorte, métaphysique, qui vient en jugement. Mais tout le paradoxe, évidemment, toute la difficulté, et ce qui fait sans doute d'ailleurs que Deleuze était probablement assez hostile à cette figure du juge, c'est que tribunal de la raison doit aussi s'entendre au sens du génitif subjectif. C'est la raison qui examine la raison, qui juge la raison. C'est-à-dire que le jugement de la raison n'est pas produit par la sensibilité. On n'oppose pas, par exemple, le sentiment à la raison, ni la croyance, ni la foi. C'est deux raisons, finalement, plutôt deux usages de la raison. Et Kant, son génie propre, sa révolution propre, c'est d'avoir inventé l'usage critique de la raison. La raison est capable de porter sur elle-même un regard, qui est un regard d'évaluation de ses propres énoncés. Au fond, la critique, c'est ça, c'est l'autocritique de la raison. C'est une raison qui permet d'évaluer chacun des énoncés de la métaphysique pour savoir s'il est légitime ou s'il est au contraire illégitime. Donc Laura Tavernier, l'impression que l'on a, c'est que la figure du philosophe enquêteur de type David Hume était quand même assez modeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Hume a quand même défait beaucoup de certitudes du rationalisme. on ne peut pas être tout à fait sûr que le soleil se lèvera demain, même si nous avons des anticipations très bonnes et très probables. C'est la formule classique de Hume. On dit que Kant a été très perturbé par cette mise en question. La figure de l'avocat, elle était beaucoup plus ambitieuse. Elle était, il dira, dogmatique, non, c'est ça, Kant. Est-ce que la troisième figure qu'il invente, Laura Tavernier, est un mixte des deux ou est encore vraiment autre chose? Est-elle plutôt ambitieuse ou plutôt arrogante? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que Kant choisit toujours de mettre dos à dos les adversaires qu'il se donne. Donc, la critique va vraiment être une troisième voie. Kant va renvoyer le dogmatisme et le scepticisme dos à dos. Le dogmatisme va être plutôt une espèce de confiance en soi illimitée de la raison, une témérité. Elle n'a pas fait son examen, mais elle prétend connaître et connaître ce qu'il y a de plus haut, à savoir les objets transcendants de la métaphysique. Attends, c'est trop compliqué, ça. Non, moi, je ne veux pas faire comme dans le film de Romère. Donc, est-ce que vous pourriez me dire, avec les mots, peut-être les plus... On évite le mot transcendant et transcendantal. D'accord. Maintenant, je vous propose qu'on l'utilise un tout petit peu après. Bien sûr. Qu'il fasse vraiment sens, quoi. Donc là, ce que vous me dites, c'est qu'au fond, il y a eu toute une philosophie dogmatique. Les avocats de Deleuze qui était sûr de pouvoir régler les questions qui se passent au-dessus du monde sensible. Voilà, qui pensait ça. Connaître ce qui était au-delà de l'expérience, qui était inaccessible par l'expérience, notamment Dieu en particulier. Et ce dogmatisme a conduit en fait à des échecs, parce que la raison n'avait pas mesuré les instruments qui lui permettent de connaître. Donc elle s'est lancée à toute vitesse vers quelque chose qu'elle n'a pas réussi à connaître. Et s'ensuit après le scepticisme, qui lui va au contraire se défier de la raison et va même désespérer de la raison. Donc on a la figure de Hume qui va poser des limites, mais des limites, il va censurer la raison. Et Kant va montrer que ces deux manières de connaître donc se renvoient dos à dos et qu'en réalité la critique doit, avant de connaître, faire une autocritique, mais qui soit une autocritique de droit. C'est à la fois modeste et ambitieux. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Laura Tavernier? Oui, en un certain sens. Disons que c'est une audace maîtrisée. Je vous remercie. C'était d'une très très grande clarté. Je vous propose qu'on lise un texte de Kant très célèbre sur les moments, le précédent, un moment dogmatique puis un moment sceptique. Et il introduit lui-même la question des limites de la raison qu'il est temps d'explorer. Il s'agit d'un texte de la Critique de la raison pure, son ouvrage dont la première édition date de 1781. Le premier pas dans les choses de la raison pure, pas qui en marque l'enfance, est dogmatique. Le second pas est sceptique et témoigne de la circonspection du jugement averti par l'expérience. Or, il faut encore un troisième pas, et il n'incombe de le faire qu'au jugement mûr et adulte qui se fonde sur des maximes fermes et d'une universalité inattaquable. Il consiste à soumettre à l'appréciation non pas les faits de la raison, mais la raison même, dans tout son pouvoir et dans toute la capacité qu'elle a de parvenir à des connaissances pures a priori. Ce n'est pas ici la censure, mais la critique de la raison. Grâce à cette critique, on ne se contente pas de présumer des bornes de la raison, mais on en démontre, par des principes, les limites déterminées. On ne conjecture pas seulement son ignorance sur tel ou tel point, mais on la prouve relativement à toutes les questions possibles d'une certaine espèce. Ainsi, le scepticisme est une étape où se repose la raison humaine. Là, elle peut songer au voyage dogmatique qu'elle vient de faire et esquisser le plan de la contrée où elle se trouve afin de pouvoir désormais choisir sa route avec plus de sûreté. Mais ce n'est pas un lieu d'habitation où elle puisse fixer sa résidence. Ce lieu, en effet, ne peut se trouver que dans une entière certitude, soit de la connaissance des objets mêmes, soit des limites dans lesquelles est renfermée toute notre connaissance des objets. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Et cet extrait de la Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant est lu par Carla Michel de notre équipe. Martin Legros, ce qu'on entend là, c'est qu'il faut arrêter avec une métaphysique dogmatique qui sait de quoi il retourne et prétend toucher des connaissances, par exemple, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, qui est la connaissance corrélée. Il faut en même temps éviter le vertige sceptique, on ne sait rien vraiment. Et puis en même temps, ai-je envie d'ajouter, quant à cette formule troublante, il ne faut pas faire de la raison une résidence. C'est vrai que c'est un nouveau chemin. Pourquoi c'est si décisif ? Ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'on pourrait dire que Kant raconte son propre itinéraire et pas seulement celui de la raison. Il a été ce philosophe qui a enseigné la métaphysique classique de Leibniz, de Wolff, et qui a découvert, qui a eu une crise sceptique à un moment donné, qui s'est dit, mais tout ça, en fait, sont des constructions, la preuve de l'existence de Dieu, l'idée d'une connaissance métaphysique du monde, tout ça sont des constructions que la raison échafaude et sur lesquelles elle n'a aucune certitude. Il a eu ce moment sceptique à la découverte de Hume et aussi ce moment de découverte de la sensibilité avec Rousseau. Et donc, c'est lui qui le raconte, et pas seulement l'itinéraire de la raison. Et c'est comme si nous devions tous, en quelque sorte, suivre, se mettre dans ses pas à lui, devenir adulte. Alors, le mot aujourd'hui, personne ne veut être adulte aujourd'hui, mais lui, il assumait cette idée qu'il fallait être majeur, qu'il fallait devenir adulte. Et donc, traverser ce premier moment, en effet, d'une forme de dogmatisme, comme tous les adolescents, ils ont des convictions très fortes, ils sont sûrs qu'ils n'y reviennent, que ces convictions les habitent et que eux, ils ont un idéal. Eh bien, il y a un deuxième moment où tout ça s'effondre, c'est le moment sceptique, et tout commence, en réalité, toute l'entreprise réelle de la philosophie commence quand on va parvenir à la fois ne pas renoncer aux idées, tout en maintenant l'ouverture à l'expérience, l'ouverture au doute. Et c'est toute la construction kantienne qui est cet alliage, il appelle ça l'idéalisme transcendantal, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, mais c'est, en réalité c'est une forme de réalisme. À la fois, comment est-ce qu'on peut faire place à nos idéaux, tout en intégrant l'expérience, qui est le grand mot de Kant, l'expérience, c'est-à-dire des choses qui sont précaires, qui sont provisoires, et comment est-ce qu'on associe les deux, c'est toute la construction de la raison kantienne. L'expérience, mais on va voir que c'est l'expérience a priori. Alors là, maintenant, vous n'avez pas à vous excuser, ça y est, on arrive au mot transcendantal, mais peut-être qu'on va pouvoir l'expliquer. Le sujet n'est pas tout puissant, matière rationnelle, Michael Fussell, mais néanmoins, tout ce qui concerne l'expérience, même quand il ne l'a pas faite réellement, lorsqu'il n'est pas dans l'a posteriori de l'expérience, il peut en connaître beaucoup de choses. Il peut connaître ses grands cadres, il peut connaître l'expérience a priori. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et pourquoi parler du coup de sujet transcendantal? Il faut peut-être repartir du sceptique qui a été évoqué dans le texte. Le sceptique, c'est celui qui, peut-être Hume justement, pense que non seulement tout savoir porte sur l'expérience, autrement dit que ce que je connais, je le connais dans l'espace, dans le temps et en rapport aux phénomènes qui se produisent devant moi, mais qui affirme en plus, et là où c'est là que ce que Kant va nier, que tout savoir vient de l'expérience. Autrement dit que nous sommes, que le sujet, l'individu plutôt d'ailleurs, est limité à ce qu'il perçoit ou à ce qu'il expérimente pour pouvoir dire quelque chose de vrai. Alors le transcendantal, justement, c'est une interrogation, c'est la méthode de Kant, c'est ce qu'il invente, on peut dire, en philosophie, c'est-à-dire une méthode qui consiste non pas à savoir si ce que je dis est vrai, mais à quelles conditions ce que je peux affirmer à propos de la nature, de la causalité, de l'existence de Dieu même, peut être vrai. C'est donc une sorte de savoir qui rétrocède, si je puis dire, du dit au dire, non pas des énoncés qui sont produits dans la vie quotidienne ou a fortiori dans les traités de métaphysique, mais aux conditions de l'énonciation. Qu'est-ce qui fait qu'un jugement que je peux produire a une valeur universelle? Alors là, c'est une manière, au fond, de se situer à la fois hors du champ du dogmatisme et du scepticisme. C'est ce que disait le texte qu'on a lu. Le dogmatisme, c'est celui, ou le dogmatique, c'est celui qui pense que ces catégories valent immédiatement pour les choses en elles-mêmes. Par exemple, je peux dire que Dieu est la cause du monde. Dieu est la cause du monde, je prétends avoir un savoir, puisque je sais ce que c'est qu'une cause en évaluant cela dans mon expérience, et je l'applique à un être qui est hors du sensible, hors de l'expérience, Dieu. En revanche, le sceptique lui dira qu'il ne peut pas y avoir de savoir, ni même d'hypothèse, ni même d'idées relativement à ce qui dépasse l'expérience. Donc, au fond, laissons Dieu hors du champ de la philosophie. Eh bien, la philosophie critique, la pensée de Kant, c'est une pensée qui va chercher à réfléchir, ou à déterminer plutôt, qu'est-ce que ça veut dire cause lorsque je parle d'un phénomène qui a lieu dans l'expérience. Par exemple, le vent est la cause du mouvement de la feuille de l'arbre, ou de l'arbre lui-même. Et d'autre part, il n'y a pas tout de même un sens à dire que Dieu est la cause du monde? Est-ce que on peut simplement se contenter de dire que les catégories, les concepts, la causalité en l'occurrence, ne valent que pour ce que je peux observer? Et toute sa force, c'est de dire, enfin en tout cas toute sa spécificité, c'est de dire à Kant, c'est de dire que finalement, il y a néanmoins un sens. sens. Il y a une signification à parler de Dieu comme cause du monde, mais pas au sens où nous aurions là un savoir absolu, mais au sens où la raison nous porte nécessairement à nous interroger sur ce qui dépasse l'expérience. Il y a chez Kant une fidélité à ce que le texte appelle la limite. Il ne veut pas simplement borner notre savoir, il ne veut pas enfermer notre savoir comme le sceptique dans une sorte de muraille indépassable. Ce qui l'intéresse, c'est la limite, et la différence entre la limite et la borne, c'est que la limite, nous pouvons nous porter à elle, c'est-à-dire on peut se situer sur la frontière. Certes, on ne peut pas la dépasser, pour Kant, la limite est effectivement une limite à notre savoir. On ne peut pas connaître des objets suprasensibles, au-delà du sensible comme Dieu, mais néanmoins, il continue à nous attirer. Vous avez dit, en présentation de sa biographie, que Kant n'avait pas connu d'amour, du moins, nous n'avons pas de traces d'amour qu'il ait expérimenté. Il avait néanmoins, c'est sa formule, une maîtresse, ou il avait une amante dont il ne pouvait se départir, c'était la métaphysique. Et il explique dans un texte qu'au fond, la métaphysique, c'est-à-dire le savoir de ce qui dépasse l'expérience, de ce qui est au-delà des limites, eh bien, c'est un petit peu comme une amante ou une maîtresse infidèle, mais à laquelle on revient toujours. Infidèle parce qu'elle ne tient pas ses promesses, mais à laquelle on revient toujours parce que, au fond, il est dans la nature de la raison de vouloir se rapporter à l'absolu, finalement. Alors, je me demande quand même, Laura Tavernier, si là, Michael Fessel n'a pas, réhabilité plus la métaphysique que Kant ne l'a fait, en tout cas à certaines périodes de sa vie. Au début des années 1780, il est quand même extrêmement ferme, en particulier dans un texte de 1783, prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science. D'accord, on peut y penser, d'accord, on peut croire, mais connaître, laisser tomber, j'ai envie de dire. Dans ce domaine, Kant est ferme, on arrête de présenter les objets métaphysiques comme des objets connaissables. C'est quand même un coup d'arrêt assez fort dans le geste critique de Kant. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué en réalité. Disons que Kant est très sévère envers la métaphysique telle qu'elle existe historiquement. Effectivement, les traités de métaphysique ne sont pas des traités de métaphysique scientifique. Ils prétendent connaître, mais en fait, ils ne nous apportent absolument rien. Kant dit qu'il y a une stérilité cognitive totale de la métaphysique existante. Mais la critique, elle a pour but de rétablir les droits d'une métaphysique, mais qui ne sera pas une métaphysique dogmatique, justement, qui sera une métaphysique consciente des limites de la raison qui la fonde. Donc la métaphysique, si vous voulez, est un besoin de la raison. Kant le dit de manière très nette, c'est une pulsion irrépressible et c'est la destination de la raison. Est-ce qu'on peut connaître des choses? C'est la différence entre connaître et, disons, penser. Oui, on ne va pas pouvoir connaître objectivement le suprasensible comme on connaît objectivement les objets de l'expérience, mais on va pouvoir les penser et on va pouvoir délimiter ce que nous pouvons connaître et ce que nous ne pouvons pas connaître. Donc on va être conscient des limites de notre propre connaissance. Martin Legrouille, dans ce texte, prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, Kant est très sévère avec la métaphysique telle qu'il la connaît, j'ose dire, dans l'histoire de la philosophie, celle qui prétendait démontrer des choses, l'existence de Dieu, mais aussi le principe de raison suffisante. Il écrit que la science, en fait, en est encore là où elle était au temps d'Aristote, c'est-à-dire quel temps perdu à parler d'objets qu'on ne peut pas vraiment connaître, et il dit que la critique va permettre de sortir de ce moment qui était un peu comme l'alchimie avant qu'arrive la vraie chimie. Vous avez plutôt l'impression d'une mise en garde, ça suffit la métaphysique, etc., un mouvement d'humeur de cette nature, parce que les philosophes ont aussi des humeurs. Ou bien, comme nos deux invités, vous insisteriez beaucoup sur le fait que, quand même, la métaphysique, on ne peut pas vivre sans, et à défaut de la connaître, quand l'éloge comme objet de pensée. Ce qui est amusant, ce qui est très beau, ce qui est très vif dans le passage que vous citez, c'est en effet que Kant se moque un peu allègrement, même en disant, mais tous ces auteurs qui dissertent depuis des siècles de l'existence de Dieu, qui dissertent de la formation du monde, n'ont pas fait avancer d'un pas, dit-il, les choses. Et chaque fois que je suis devant un de ces écrits, je me demande, est-ce qu'il a fait avancer d'un pas la métaphysique? C'est vrai que c'est encore aujourd'hui une question qu'on peut se poser devant de nombreux textes philosophiques un peu abscons. On se demande à quoi tout cela rime. Et donc, Kant, en effet, a cette audace de dire, mais tout ça, ça tourne dans le vide. Et du coup, de c'est en cela qu'il est peut-être très humaniste de dire, on a classiquement dit, voilà, Dieu connaît les choses absolument, et nous, en regard de cela, nous pouvons essayer d'atteindre quelques bribes de métaphysique. Il renverse tellement, totalement les choses en disant, non, il faut partir pour définir le connaissable, ce qui relève du connaissable, des conditions de notre expérience. Et donc, il investit l'espace et le temps, qui sont censés être des choses qui nous limitent à l'absolu. Et il dit, non, c'est ce domaine-là qu'il faut investir. Et donc, moi, c'est vrai, ce qui me rend précieux Kant, c'est pas tellement son ambition de relancer la métaphysique en disant, elle est possible à condition qu'elle se restreigne dans telle limite. C'est l'ouverture qu'il fait à notre expérience morale, notre expérience sensible. Il fait de la sensibilité la pierre de touche de toute connaissance possible. C'est là qu'on peut découvrir des choses vraies, précisément parce que elles nous sont données dans l'espace et le temps. Ce n'est plus une limite, c'est un tremplin. Et de la même manière en morale, il fait de l'expérience du jugement moral de tout un chacun. Quand je dis ceci est bien ou mal, eh bien essayons d'examiner. Je ne dois pas être un héros. Je peux formuler un jugement moral sans être un héros ou sans être un moraliste. Eh bien donc il nous permet de penser à partir de notre expérience. C'est ce qui le rend plus précieux à mon avis que sans doute ses dissertations sur la métaphysique. Nous parlons ce matin d'Emmanuel Kant, nous allons en parler toute la semaine, il a 300 ans cette année. Nous parlons du geste critique en premier épisode avec Laura Tavernier, Michael Fessel et Martin Legros. Michael Fessel, peut-être que c'est ça le mot ronflant de transcendantal. En fait, est-ce que ça ne voudrait pas dire arrêtons avec les objets métaphysiques habituels à propos desquels nous ne savons rien, Dieu, tout un tas de choses, l'organisation du monde. En revanche, la façon dont nous sommes constitués, que nous ayons une raison, que celle-ci puisse former des jugements moraux, mais aussi qu'elle puisse connaître non seulement de l'expérience, mais dans le cadre de toute expérience possible, dans le cadre de l'espace, dans le cadre du temps, elle peut calculer, elle peut. C'est ça finalement le sujet transcendantal, comme il dit, qui vient remplacer les vieilles lunes de la métaphysique. En tout cas, la méthode transcendantale, c'est-à-dire la méthode qui justement n'envisage pas Dieu, par exemple, comme un objet. La méthode transcendantale, c'est celle qui s'interroge sur les conditions de possibilité de ce qui est l'objectivité. À quelles conditions de possibilité pouvons-nous avoir, à savoir non seulement vrai, cohérent, je dirais, non contradictoire, mais objectif sur les choses objectives. Ici, ça veut dire à quelles conditions la représentation que j'ai en moi de ce que c'est qu'un arbre correspond à l'arbre réel que j'ai en face de moi. Or, Dieu n'est pas, pour prendre disons dans le transcendant ou dans la métaphysique l'objet le plus haut, mais il y en a d'autres, l'âme par exemple, ou le monde, mais Dieu n'est pas un objet au sens où l'arbre l'est, c'est-à-dire que je ne constitue pas par mes catégories et par ma perception sensible en particulier son existence ou sa modalité d'essence. En réalité, Dieu c'est plus une idée. Et alors il y a deux sens de métaphysique. Il y a la métaphysique comme ensemble de doctrines, comme savoir prétendu sur ce qui dépasse l'expérience, et là elle est en crise parce qu'elle est contradictoire. Kant dit, au fond, on a pu aussi bien dire que Dieu existait ou qu'il n'existait pas, que le monde est fini, que le monde est infini. Et s'il faut une critique, hein, critique et crise sont des termes qui ont une étymologie commune, s'il faut une critique, c'est justement parce qu'on est face à une crise, à une contradiction dans le savoir sur ce qui nous importe le plus, à savoir le savoir sur ce qui dépasse l'expérience. Et c'est là où métaphysique prend un autre sens, positif, cette fois-ci, chez Kant, non plus ce qui a déjà été dit ou ce qu'on continue à dire à propos de Dieu, de l'âme ou du monde, mais métaphysique comme tendance de la raison, c'est-à-dire que la raison humaine se caractérise par le désir, la pulsion, dit même Kant parfois, d'avoir un savoir absolu, au fond de ne pas simplement en rester aux causes que nous pouvons repérer dans le monde, mais à chercher une cause unique, une cause ultime des phénomènes. Oui. Et cette pulsion, ce désir, Kant a voulu y être non seulement fidèle, mais y trouver ou lui déterminer au fond sa voie la plus juste. La métaphysique en ce sens-là, elle se fonde, alors c'est des aspects que vous aurez l'occasion, je crois, de rencontrer au cours de cette semaine sur Kant. Au fond, en dernière analyse, il y a tout de même quelque chose de suprasensible, d'extérieur à l'expérience, qui est constitutif de notre identité humaine. Cette chose, si je puis dire, c'est la liberté. Oui. Et donc, s'il y a un sens positif... Et donc, la conscience morale, en fait, ça que vous voulez dire. La conscience morale, le désir, au fond, de s'arrêter nulle part. Dans le texte que vous avez lu tout à l'heure, il disait, effectivement, il n'y a pas un domaine où la raison puisse s'arrêter, où elle puisse avoir une sorte de lieu de résidence. Alors, ce qui fait que nous sommes toujours à la recherche de ce qui dépasse les limites, de ce qui excède l'espace dans lequel nous existons, et ça aussi un enjeu très, très politique, eh bien, c'est la liberté, le fait de ne jamais se satisfaire de ce qui nous est donné dans la nature, dans l'expérience ou dans notre propre psychologie, pour faire un pas au-delà. Et au fond, c'est cette métaphysique, ça veut dire cela, hein, ce qui va au-delà de la physique, cet au-delà, Kant va le requalifier comme, comme liberté et comme caractère inconditionné de la morale. J'ajoute que dans votre livre Kant, texte choisi, qui est paru en 2010 au Seuil, dans la collection Point, Michael Fessel, vous avez cette phrase qui, je crois, dit bien le long développement que vous venez de faire. Kant ne se contente pas de prolonger les Lumières, il prétend les recommencer. Il a dit aussi, là, Michael Fessel, que bon, le donné, et c'est la seule chose que nous puissions connaître, mais nous avons un destin métaphysique, selon Kant, dans tout ce qui concerne la liberté, la réflexion morale. Est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas ça qui résume le grand geste critique, philosophique de Kant, Laura Tavernier ? Si, tout à fait. Effectivement, je pense qu'en fait... Quant à la volonté de rediriger la métaphysique, non plus la concevoir non plus comme un savoir objectif, un savoir d'objet qui serait scientifique, mais plutôt comme une pensée rationnelle de la liberté. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que certes, on ne va pas pouvoir atteindre les objets qui sont au-delà de l'expérience, on ne va pas pouvoir les connaître, mais on va libérer ce domaine-là du suprasensible pour une pensée rationnelle, et ça va nous permettre de avoir accès à quelque chose qui n'est pas sensible, qui n'a pas la forme d'un objet. Disons que l'idée, c'est de ne pas tout réduire à ce qui nous est donné, justement. Mmh. À ne pas tout réduire votre thèse. Oui, ne pas tout réduire aux conditions de l'expérience. Ouvrir le champ à quelque chose qui dépasserait l'expérience, même si ce champ, on ne peut pas le connaître. Parce que ça n'a pas la forme d'un objet. La liberté, c'est quelque chose qui est irréductible à la forme de l'objectivité. Donc, effectivement, pour revenir sur ce que disait Michael Fessel, il y a l'idée chez Kant de la metaphysica naturalis, c'est-à-dire l'idée que la métaphysique est une disposition naturelle en l'homme. Chacun se pose ses grandes questions sur l'immortalité de l'âme, par exemple, la liberté, l'existence de Dieu, la position indifférente est impossible. Renoncer à la métaphysique, c'est renoncer à la raison. Simplement, on va changer l'orientation de cette métaphysique, la faire passer d'une connaissance objectivante, en quelque sorte, à une pensée rationnelle qui a pour fondement notre liberté. On va l'orienter moralement, si on veut. Donc on cesse d'être un être connaissant, métaphysiquement, mais nous sommes un être agissant, voulant, orienté vers la question de notre liberté, et c'est là qu'il y aurait une partie suprasensible dans l'homme, au fond métaphysique. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde un deuxième enjeu, mais c'est évidemment lié, du mot critique. Là, nous venons de qualifier le geste critique chez Kant comme un geste pour rappeler que la raison ne peut pas tout connaître, mais que la raison a d'autres vocations, en quelque sorte, notamment sur le plan moral. Mais cela incite peut-être quand même chacun de nous à penser par soi-même. Alors, sans être des métaphysiciens, de toute façon, ils font quand même beaucoup de bêtises quand ils se mettent à jargonner et à prétendre connaître ce qu'ils ne peuvent pas connaître, mais à être, disons, conscient de notre liberté. Il y a une dimension d'émancipation dans le projet de Kant critique. Et à cet égard, nous ne pouvons pas parler du geste critique sans une référence à ce texte de 1784 qui a été écrit par Kant en réponse à une question d'un journal. Donc, c'est un article de journal qui a été primé, puis c'était la meilleure réponse. Il faut dire que le Berlinische Monatschrift avait quand même un joli public, il y avait Kant dedans, il a répondu, et la question était « Qu'est-ce que les Lumières ?» Écoutons le début de ce texte très célèbre de 1784 de Kant, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigée par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigée par un autre. Sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute direction étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant, mineur, et qu'il soit si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Il est si commode d'être mineur. Il est donc difficile pour l'individu de s'arracher tout seul à la minorité, devenue pour lui presque un état naturel. Aussi, peu d'hommes ont-ils réussi, en exerçant eux-mêmes leur esprit, à se dégager de leur minorité et à avancer quand même d'un pas assuré. En revanche, la possibilité qu'un public s'éclaire lui-même est plus réelle. Cela est même à peu près inévitable, pourvu qu'on lui en laisse la liberté. Car il se trouvera toujours, même parmi les tuteurs attitrés de la masse, quelques hommes qui pensent par eux-mêmes et qui, après avoir personnellement secoué le joug de leur minorité, répandront autour d'eux un état d'esprit où la valeur de chaque homme et sa vocation à penser par soi-même seront estimées raisonnablement. Texte parfois plus complexe qu'il n'en a l'air et avec des enjeux politiques évidents. Chaque homme devrait pouvoir penser par lui-même. En réalité, ce n'est pas l'incapacité de l'entendement qui l'empêche souvent chez les individus, c'est le manque de résolution et de courage, dit Kant. Martin Legros, cela conduit Kant à dire qu'ils ont souvent besoin d'exemples, voir ce que ça fait, les gens qui pensent par eux-mêmes. Et c'est pourquoi il dit, si on laisse un peuple s'exprimer, et ça veut dire des choses très précises, liberté d'expression, liberté de la presse, alors on verra des gens penser par eux-mêmes et ça emmènera les autres. Votre commentaire. Oui, Kant était le geste critique, c'est un geste aussi qui invite chacun à être spectateur de ce qui se passe dans son esprit quand il produit un jugement moral, un jugement de connaissance. Et en politique aussi, Kant était très prudent. Il faisait de l'obéissance au pouvoir établi une valeur même morale, mais il investissait le spectateur d'un crédit très très fort. Et pourquoi le spectateur est important? Pour le public et l'idée qu'un public, il investit le public, il dit chacun d'entre nous, c'est intéressant sa définition de la minorité. Il dit la minorité n'est pas une question d'âge. C'est pas à 18 ans vous êtes majeur donc vous pouvez penser par vous-même. C'est on peut être mineur toute sa vie. Et donc précisément parce qu'on peut être mineur individuellement toute sa vie, on a besoin d'exemples, on a besoin peut-être d'une effervescence publique pour être secoué dans ses habitudes, dans son incapacité à ne pas être dirigé par un autre. Au passage, en philosophie, le fait de se confier, de demander aux autres de diriger ce qu'on doit penser, c'est encore légion aujourd'hui. Il suffit de voir les notes de bas de page des textes philosophiques. Donc, on pense à l'aune de ce qu'on dit les autres, sous l'autorité de ce qu'on dit les autres, y compris Kant. Et donc, on n'est pas tout à fait majeur, même en philosophie. Mais si la majorité, c'est de penser par soi-même, vraiment, eh bien, Kant dit, c'est pas nécessairement sur une vie d'individu seul qui peut y arriver, en effet, c'est le témoignage, c'est d'être spectateur d'un public effervescent au sein duquel des individus donnent l'exemple de cet arrachement. Arrachement, c'est quand même très très violent, aux préjugés, à la soumission, à l'aliénation aux autorités établies. Eh bien, c'est à ce moment-là que peut-être quelque chose comme un esprit va se répandre et que, étant témoin de l'exercice public de la raison par les autres, je vais être capable à mon tour de le faire. Dernier point sur ce texte qui est quand même magnifique, c'est quand même un retournement énorme. Kant considère que l'important, c'est moins ce que je pense que le fait que je le pense par moi-même. Quand on y pense, c'est très surprenant. On peut penser qu'en philosophie, ce qui est important, c'est le contenu. C'est pas le fait que ce soit moi qui le pense. Eh bien non, Kant dit le plus important, c'est que ce soit moi qui pense et pas ce que je pense. Et que ça enclenche une dynamique avec d'autres êtres pensant par eux-mêmes. Michel Foucault, philosophe du XXe siècle, a adoré ce texte. Il l'a commenté d'abord dans un cours du 5 janvier 1983 au Collège de France, qui a ensuite été publié dans le magazine littéraire en 1983, puis dans une version anglaise en 1984. Et il disait que ce sens-là du mot critique, le fait que chacun puisse penser par soi-même et doive essayer de le faire avec l'impulsion que peut donner la liberté d'expression et la liberté de la presse, c'était quelque chose d'essentiel, un sens du mot critique plus important encore que celui qui signifie connaître la limitation de la raison. On écoute Michel Foucault dans sa séance de cours du 5 janvier 1983, car c'est magnifique, nous avons un enregistrement. La tradition, cette autre tradition critique, ne pose pas la question des conditions sous lesquelles une connaissance vraie est possible. C'est une tradition qui pose la question de qu'est-ce que c'est que l'actualité, quel est le champ actuel de nos expériences, quel est le champ actuel des expériences possibles. Il ne s'agit pas là de la question de, il ne s'agit pas là d'une analytique de la vérité. Il s'agirait de ce qu'on pourrait appeler une ontologie du présent, une ontologie de l'actualité, une ontologie de la modernité, une ontologie de nous-mêmes. Et c'est cette forme-là de philosophie qui, de Hegel à l'école de Francfort, en passant par Nietzsche, Max Weber, etc., a fondé une forme de réflexion à laquelle, bien sûr, je me rattache dans la mesure où je peux. Enregistrement de ce cours de Michel Foucault au Collège de France en 1983, enregistrement non professionnel, c'est quelqu'un qui était dans la salle et il y a cette très belle formule, Kant finalement nous a ouvert à faire une ontologie du présent, à nous dire qu'il y a une valeur du présent. Il y a une autre formule de Foucault dans ce cours, il s'agit d'héroïser le présent, dit-il. Est-ce que vous pouvez nous préciser les enjeux, Michael Fessel? Alors là, on parlera sans doute plus de Foucault que de Kant, parce qu'en réalité, Foucault a investi ce texte de manière très intéressante, car c'était un esprit très brillant, mais précisément pour se trouver en quelque sorte un prédécesseur illustre dans ce qu'il appelle l'ontologie du présent, l'ontologie de nous-mêmes ou l'ontologie de l'actualité. Et d'ailleurs, il a dit dans l'extrait que vous avez passé que c'était précisément pas le sens de critique que nous avons commenté jusqu'à présent, et que c'était même peut-être un sens alternatif, c'est-à-dire c'est pas critique au sens, alors je dirais orthodoxe kantien, chercher les conditions de la vérité, c'est l'idée d'une inspection de l'histoire et de notre présence. Et un peu peut-être, et c'est ça qui est intéressant, ce que le mot critique est devenu, en particulier d'ailleurs sous l'influence de Foucault aujourd'hui, la critique comme diagnostic, la critique comme réflexion sur ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes devenus ce que nous sommes au présent. Alors, y a-t-il des racines kantiennes à cela? En effet, dans ce texte, qui effectivement, vous l'avez rappelé, est un article et la réponse à une question d'une revue. Qu'est-ce que les Lumières? Évidemment, les Lumières, c'est l'époque du présent de Kant, en quelque sorte. Il faut d'ailleurs noter que les Lumières, pour lui, enfin en allemand plutôt, c'est Aufklärung, donc le terme allemand ne veut pas dire lumière, mais éclaircissement. Hein. C'est-à-dire que il y a l'idée qui est très présente dans le texte qu'on a lu de Kant, cette fois-ci, du processus. Hein. Les Lumières, c'est l'arrachement, la sortie de l'homme hors de son état de minorité. Et au passage, on l'a en anglais aussi, Enlightenment, on entend la progression qui peut être laborieuse, alors que le mot lumière en français fige un peu. Les Lumières, c'est toujours demain, au fond, c'est toujours pour demain. Et par conséquent, enfin, c'est un aujourd'hui qui fait signe vers un demain. Alors là, si on donne crédit au texte ou à l'interprétation, pardon, de Foucault, c'est vrai que chez Kant, il y a cette idée que les Lumières ne peuvent, pas plus que la critique au sens kantien, ne peuvent se reposer en quelque sorte sur leurs acquis. Elles sont toujours une exigence de développement, de rupture aussi avec un certain nombre de dogmatismes. Il faut noter aussi que ce texte date de 1784 et que Kant aura, et c'est un aspect fondamental évidemment, aura le privilège de vivre la Révolution française, mais enfin de la vivre en tous les cas, d'en être le spectateur. Et par conséquent, toute cette question de la sortie hors de l'état de minorité, Martin Legros a raison de rappeler que ça ne veut pas dire ici le fait simplement d'être mineur juridiquement, ça veut dire qu'on peut demeurer mineur intellectuellement en étant adulte. Cette question va se poser dans le champ de l'histoire et avec un caractère dramatique. Et que Kant, ça vaut la peine peut-être de le rappeler, Kant demeurera jusqu'au bout fidèle à ce qu'il appelle l'événement de la Révolution française, c'est-à-dire même à une période où elle sera remise en cause en raison de la terreur en particulier, et dans un très beau texte qui vient, je crois, éclairer celui qu'on a lu sur les Lumières, mais alors après la Révolution cette fois-ci, ou pendant la Révolution plutôt, un texte de la religion dans les limites de la simple raison, en 1793, donc on est en pleine terreur, Kant notera que le discours au fond de tous les despotismes ou de tous ceux qui veulent garder ou conserver les peuples dans l'état de minorité consiste à dire que les peuples ou un peuple ou le peuple n'est jamais assez mûr pour la liberté. Et au fond, il y a cette espèce de discours de la censure, pour le coup, consistant à dire, au fond, si on met le peuple en liberté, il fera n'importe quoi, comme pour un enfant, finalement, dès lors qu'on le laisse tout seul pour essayer de s'émanciper. Et la réponse de Kant, c'est de dire que pour qu'un peuple sache faire quoi faire de sa liberté, pour qu'il ait un usage rationnel, ou du moins raisonnable, de sa liberté, il faut le mettre en liberté. Et c'est déjà la leçon du texte des Lumières. C'est-à-dire que, évidemment, les premiers essais, un peuple qui aura toujours été, en quelque sorte, dans la servitude, ou qui aura été toujours maintenu dans l'ignorance, les premiers essais de cette liberté seront, en quelque sorte, des essais nécessairement violents ou déraisonnables. Mais c'est le prix à payer de siècles, en tout cas, de servitude. D'une certaine manière, la liberté est le moyen d'elle-même, elle est la fin. Il faut être autonome, il faut essayer de devenir mûr, il faut essayer de devenir majeur, dit Kant. Mais le seul moyen de devenir majeur, c'est d'abord d'être mis en liberté. Et de ce point de vue, je dirais que cela retrouve ou cela recouvre effectivement quelque chose de très actuel dans la pensée d'aujourd'hui. Et Kant incite à user de sa raison, dit-il, sous tous les rapports. C'est le texte qui le dit. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune restriction. Et de le faire en public, il dit même que le fait de donner le droit de le faire aide à le faire, puisque c'est bien ça, la liberté de s'exprimer publiquement qui permet d'être entraîné par ceux qui pensent déjà par eux-mêmes, et ainsi favoriser la sortie de l'état de minorité, parfois traduit, je me demande d'ailleurs si c'est pas mieux, mais bon, par sortir de l'état de tutelle. Il n'y a plus de tutelle dans la pensée. Nous pouvons nous émanciper des tutelles et apprendre tout doucement au contact des autres à penser par nous-mêmes. Laura Tavernier, votre commentaire de ce processus qui n'est pas évidemment de tout repos. Hein. Il peut y avoir des obstacles. C'est un processus long et complexe. Oui, tout à fait. Je voudrais peut-être juste revenir sur un point. Donc Foucault a distingué nettement deux sens de la critique. Le sens technique qu'on a défini plus tôt, et puis le sens critique de l'actualité, etc. Penser par soi-même au sens individuel. Peut-être qu'il y a un lien plus fort que ce qu'on peut penser initialement entre la question politique, la question de l'affranchissement politique et de la liberté de penser. Au paragraphe 40 de la critique de la faculté de juger, propose trois maximes de la pensée, trois maximes du sens commun, et la première, c'est penser par soi-même. Et il définit l'hétéronomie comme le fait justement d'être guidé par un autre. Et ça, il appelle ça le préjugé. Quand je suis dans le préjugé, je suis guidé par un autre. Oui. Mon jugement ne trouve pas en lui-même sa propre norme, en quelque sorte, mais il se subordonne à un jugement externe. Eh bien, je pense qu'il y a un lien assez net, en fait, entre le sens technique, la critique qui fait son autocritique en interne, en quelque sorte, qui devient autonome théoriquement, et puis chacun qui se met à penser par lui-même pour s'affranchir de certaines tutelles politiques ou sociales. Je pense qu'il y a un lien entre les deux peut-être plus fort que ce qu'on peut penser initialement, et peut-être juste deux remarques. Mais je vous en prie. Sur ce point, d'une part, dans la critique de la raison pure elle-même, Kant utilise des métaphores politiques. Il assimile le dogmatisme à un despotisme, le scepticisme à une forme d'anarchie et la critique à une république. Oui. Donc la métaphore politique est utilisée pour nommer les différents états de la raison. Très intéressant. Et d'autre part, si je peux citer juste une phrase de Foucault. Oui, mais juste, je suis désolée, c'est pas contre vous, c'est à cause du temps. Ah oui, bien sûr. Mais je veux entendre cette phrase. Donc c'est un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que la critique ?» Foucault écrit « La critique, ce sera l'art de l'inservitude volontaire, celui de l'indocilité réfléchie, le désassujettissement dans le jeu de ce qu'on pourrait appeler la politique de la vérité. » Et je magnifique, crois c'est que une référence Kant... à la Boétie, à la servitude. Oui, absolument. Magnifique. Je crois que Kant pourrait souscrire à cette formule. Merci. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Joyfully, oh, playfully, watching me. Quand j'étais jeune, je pensais plein de choses que je ne pense plus. C'est ce que dit cette chanson de Supertramp, The Logical Song, dans l'album Breakfast in America de 1979. C'est peut-être une manière de dire le geste critique qu'ancien. Je pensais, je ne pense plus. Merci beaucoup à tous les trois, Laura Tavernier, Michael Fessel et Martin Legros. Vous nous avez beaucoup éclairé sur ce geste critique qui est au cœur de la philosophie kantienne et que nous explorons en vérité toute la semaine, puisque Kant est à l'honneur cette semaine dans Avec Philosophie. À présent, la chronique de Frédéric Worms qui parle des limites. Ce n'est pas sans écho avec certains problèmes kantiens, mais pour lui, vous le verrez, les enjeux sont plus larges encore. Il parle de cela toute la semaine. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi les choses ont-elles des limites ? Le problème de la limite est lui-même pris d'une manière paradoxale, pourrait-on dire, entre deux extrêmes. Quand on pense à la limite de quelque chose, à l'être qui est limité en lui-même, on peut avoir deux sentiments qui ont traversé toute l'histoire de la philosophie. D'un côté, on peut revendiquer, au fond, la limite. La limite, c'est la totalité. C'est la chose accomplie en elle-même. C'est ce qui fait sens en soi, sans avoir besoin de l'autre. Et c'est, chez les Grecs, par exemple, la critique du mauvais infini, au contraire, la chose parfaite, la chose parfaite est limitée en elle-même, est en quelque sorte complète. C'est la limite comme complétude. Mais d'un autre côté, il y a un paradoxe de la limite qui montre aussi toujours ses défauts et qui nous entraîne vers un désir de l'infini. Car la limite nous entraîne toujours à voir au-delà. Et l'un des paradoxes logiques de la limite, c'est qu'arrivé à la limite, il y a encore quelque chose derrière. Et tous les grands philosophes de l'infini, à commencer par Hegel par exemple, ont montré que l'infini était la vraie logique de la limite, que la limite c'était toujours le bord, c'est toujours de l'autre côté. Il y a une contradiction dans la limite, Hegel l'a montré avec profondeur. C'est à la fois la fin de quelque chose et le début de l'autre chose. Qu'est-ce qui est le plus important dans le bord de cette table sur laquelle je m'appuie en ce moment ? Est-ce que c'est qu'elle délimite l'espace de la table ou c'est au contraire qu'elle l'ouvre sur l'infini du monde ? Et il faut rejoindre, selon Hegel, précisément cet infini du monde. La limite est simplement un moment limité dans le devenir infini de notre connaissance, dans notre connaissance défini par un infini justement comme tel, défini par ce rapport à l'infini. Mais cette ambivalence de la limite qui traverse toute l'histoire de la philosophie, qui définit aussi des attitudes intellectuelles, morales, politiques, peut-être a-t-elle au fond une grave erreur, c'est-à-dire c'est de ne pas penser que le problème de la limite, c'est avant tout le problème de la relation entre des êtres qui ont un principe intérieur de séparation du monde effectivement, et pourtant de relations aussi et de relations entre eux. Le vrai problème de la limite, ce n'est pas la chose matérielle que nous découpons, par exemple, comme cette table, et elle peut être carrée, ovale, ronde, au fond, peu importe. Ce n'est pas non plus le problème de l'infini. Le problème de la limite, c'est quand elle est fondée sur un principe intérieur, par exemple, sur la vie. Quelle est la limite d'un corps ? Un corps, c'est un ensemble de matériel qui fait unité, qui se sépare du monde. Mais il ne s'en sépare pas, au fond, arbitrairement par le découpage d'un artisan. Il s'en sépare par une membrane corporelle et il s'y relie aussi, par exemple, par la respiration ou par l'amour ou par la guerre ou par la destruction. Et d'une certaine façon, la séparation vitale des corps les uns par rapport aux autres impose aussi leur relation. Et la limite est alors spécifiquement une relation entre des êtres distincts, mais qui ont néanmoins quelque chose qui les rattache sans être pour autant infini. Au fond, quand on se demande pourquoi les choses ont-elles des limites, le mot important, ça n'est pas le mot limite, c'est le mot chose, et c'est le pluriel. Il y a des relations entre les choses qui à la fois dépassent les limites sans être illimitées. Et le vrai problème de la limite, c'est donc aussi la limite des relations entre les êtres, la limite de la séparation de chaque être vivant, par exemple, ce qui fait que la vie est elle-même limitée dans le temps, autant que dans l'espace, et aussi la limite des actes entre les êtres, par exemple jusqu'à la destruction, la limite est peut-être avant tout un problème existentiel et moral entre les vivants et particulièrement entre les vivants humains avant d'être un problème métaphysique qui imposerait sa loi à notre existence. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et le reste de l'équipe. Antoine Ravon, Anna Fulpin, Chaïma Giboire et Axel Dubois que nous accueillons cette semaine. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.